Science Chrono, Antoine Beauchamp. Au XXe siècle, notre conception de l'univers a connu une succession de bouleversements majeurs. Avec sa théorie de l'expansion de l'univers et celle de l'atome primitif connu sous le nom de Big Bang, Georges Lemaître fut l'un des piliers de cette révolution de pensée qui, au-delà de la cosmologie, a suscité des débats philosophiques de premier ordre. Science Chrono vous propose aujourd'hui un retour à ce moment charnière de l'histoire des sciences où l'univers s'est allumé et a commencé à grandir vers l'infini et au-delà. Et bonjour Gauvin Lecomte-Chevillard. Bonjour Antoine. Vous êtes enseignant de philosophie dans l'Académie de Lille et à l'Observatoire de Paris et vous êtes l'auteur aux éditions de la Sorbonne du livre « Histoire d'une science impossible, cosmologie et épistémologie de 1917 à nos jours ». On va bien sûr voir avec vous comment cette science impossible a été au cœur de débats tous plus vertigineux les uns que les autres. Mais avant cela, comme Science Chrono continue de faire ses premiers pas, je vous en rappelle rapidement le principe. Chaque émission débute par une archive sonore qui nous confronte à une théorie, une découverte ou encore une controverse scientifique. Nous discutons ensuite du propos entendu dans cette archive pour comprendre le contexte dans lequel il a été émis. Et puis nous retraçons l'évolution de cette idée. On peut ainsi comprendre comment se fabriquent les savoirs scientifiques dans le temps long et comment ils se transforment. Aujourd'hui, nous vous proposons rien moins qu'un débat cosmique sur la forme et l'évolution de l'univers qui a agité la cosmologie et la philosophie au XXe siècle. Et pour ouvrir notre discussion, Gauvin Lecomte-Chevillard, je vous propose une petite pépite d'archives. Il s'agit d'un extrait sonore de la seule et unique archive vidéo connue à ce jour du père fondateur de la théorie du Big Bang, Georges Lemaître, qui a aussi théorisé le fait que l'univers était en expansion. Cette archive que l'on croyait perdue a été redécouverte en 2022 par des employés de la chaîne belge de la télévision publique flamande VRT. On y entend donc Georges Lemaître en 1964, au micro de la radio-télévision belge, parler de la théorie proposée par le cosmologiste Fred Hoyle, qui pensait, lui, que l'univers était statique. Avant la théorie de l'expansion de l'univers, il y a une quarantaine d'années, eh bien on s'attendait à ce que l'univers soit statique, à ce que rien ne change. Eh bien, c'était au fond une idée, a priori, qui impliquait tout l'ensemble de l'univers. Qui correspondait à l'expérience. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était une idée, a priori, pour laquelle il n'y avait aucune expérience. Et les faits relatifs à l'expansion de l'univers ont rendu cette théorie inadmissible. Mmh. Alors, on s'est rendu compte qu'il fallait admettre un changement. Mais ceux qui tenaient à ce qu'il n'y ait pas de changement ont voulu minimiser ce changement. Et on dit, eh bien, il faut bien admettre que ça change, mais que ça change le moins possible. Eh bien, que ça change simplement d'échelle. Que tout se reproduise, mais à une échelle un peu plus grande, que tout se reproduise de la même façon. Et c'est cela qui a d'abord été introduit par Milne, et ensuite par, sous le nom de principe cosmologique, et plus tard, ici, principe cosmologique parfait, et ensuite, l'idée même de la steady state théorie. Et c'est bien cela, n'est-ce pas, que l'on pouvons trouver dans ce texte. Il dit, « If you try to say there is some sort of coherent plan in the universe, I think I would agree. » C'est l'idée qu'il y a un plan. Ce n'est pas l'idée que l'univers a des lois, et que ces lois bâtissent plus ou moins quelque chose de plus ou moins cohérent. C'est l'idée qu'il y a un plan. C'est un fond, une idée du type de Leibniz, que l'univers est fait pour le mieux possible, d'un type de Leibniz probablement panthéiste, nous le voyons bien d'après les idées personnelles que Hoyle développe, n'est-ce pas ? Mais en tous les cas, du point de vue scientifique, une idée qui a un plan d'ensemble. Voilà, alors on va discuter, Gauvin Lecomte-Chevillard, du contenu de cette prise de parole de Georges Lemaître. C'est une archive qui est extraite d'une vidéo. On peut peut-être décrire l'image et un petit détail vestimentaire pour déjà avoir un aperçu de qui est ce personnage-là, Georges Lemaître, et cette autorité qu'on entend dans cette archive. Bah oui, tout à fait, parce que Georges Lemaître, c'est un personnage assez formidable. C'est un scientifique, c'est un mathématicien, un physicien qui connaît bien l'astronomie de son temps. Mais si on regarde la vidéo, on se rend compte qu'il a un magnifique petit col romain. Parce que c'est aussi un chanoine, donc un prêtre de l'Église catholique. Et à l'époque de la vidéo, en 64, il est le président de l'Académie pontificale des sciences. C'est le monsieur science du Vatican. Alors du coup, là on l'entend dans cette archive contredire une théorie d'un certain Fred Hoyle. Est-ce que vous pouvez nous situer cette théorie, cette steady state théorie dont il parle avec son merveilleux accent anglais, et ce que ça implique en termes de conception de l'univers? Ouais, tout à fait. Eh ben, Fred Hoyle, c'est un physicien de Cambridge qui, avec deux de ses comparses, Hermann Bondy et Thomas Gold, a proposé en 1948, peu de temps après la guerre, une théorie cosmologique, c'est-à-dire un modèle mathématisé de l'univers, dans laquelle l'univers est en expansion, donc son volume grandit, mais la densité de l'univers reste identique au cours du temps. Parce qu'il y a une création continue de matière qui vient compenser l'augmentation de volume de l'univers. C'est un peu comme si vous avez un verre d'eau qui est sucré et que vous rajoutez de l'eau, ben, le volume d'eau augmente, la concentration de sucre descend. Donc pour avoir la même concentration de sucre, il faut rajouter du sucre. C'est la même chose dans l'univers de Hoyle. Dans l'univers de Hoyle, il y a une création continue de matière qui rajoute de la matière pour que la densité de matière de tout l'univers reste identique. Et avec tout ça, finalement, Georges Lemaître n'est pas totalement d'accord. Alors comment est-ce qu'il va s'emparer de cette question-là et pourquoi il va se coltiner cette question vertigineuse de la forme de l'univers, cette structure dont on ne peut pas s'extraire et qu'on ne peut pas observer de l'extérieur? Oui. Ben, en fait, ce qui est intéressant dans l'itinéraire de Georges Lemaître, comme il a été très très bien raconté d'ailleurs par Dominique Lambert, qui est le spécialiste de la vie et de l'œuvre de Georges Lemaître, c'est que Georges Lemaître, au départ, il a un peu une volonté de mélanger science et religion, puisqu'il a ces deux vocations-là, à la fois scientifique et religieuse. Et puis, il va en venir à l'idée de faire une cosmogonie, mais très rapidement, il va distinguer les deux. Et c'est vraiment pour des raisons scientifiques que Georges Lemaître, au cours des années 20, en vient à donner une des premières et des principales preuves en faveur de l'idée que l'univers est en expansion. Il fait ça dans un article de 1927, où il montre que si on imagine que l'univers a des dimensions d'espace qui augmentent, eh ben on peut rendre compte d'un fait qui est vraiment très étonnant, qui est le fait que toutes les galaxies semblent s'éloigner de nous, semblent être en récession, comme si on était au centre d'une explosion, ce qui est quand même très bizarre. Eh ben, si on suppose que l'univers est en expansion, c'est-à-dire que les dimensions d'espace augmentent comme si l'espace était une grille de métal que l'on chauffait uniformément et qui donc se dilatait dans toutes les directions, eh ben, n'importe quelle observatrice de l'univers, quelle que soit sa place, verrait toutes les autres galaxies s'éloigner. C'est-à-dire que là, quand nous, en tant qu'observateurs depuis notre petite voie lactée, depuis notre petite planète Terre, on a l'impression que les galaxies s'éloignent de nous, ça fait pas de nous pour autant le centre de l'univers. Si on était dans une autre galaxie, on verrait exactement la même chose. Voilà, c'est ça. Et du coup, la solution de Lemaître à ce problème de la récession des galaxies va convaincre un grand nombre de gens à l'époque, à la fin des années, enfin surtout au début des années 30, parce que en 1929, l'astronome états-unien Edwin Hubble publie un article dans lequel il donne les résultats de ses observations. Et les résultats de ses observations, c'est que plus les galaxies sont lointaines, plus elles s'éloignent vite. Or, cela, Lemaître l'avait prédit dans son article de 1927. Cet article de 1927 qui s'intitule « Un univers homogène de masse constante et de rayons croissants ». On est obligé, Gauvin Lecomte-Chevillard, je crois, de rappeler que les années 1920, le début du XXe siècle, c'est un contexte de bouillonnement colossal en matière de physique, en matière de cosmologie. Il y a des noms comme Einstein, on a évoqué Hoyle, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous situer ce moment-là? Et finalement, avant l'arrivée de Georges Lemaître, l'idée qu'on se faisait de l'univers, sa forme, sa taille, sa vie? Ouais. Alors, c'est vrai que les années 20, vous avez tout à fait raison, c'est une décennie charnière, quoi, pour la science en général, mais pour l'astrophysique, la cosmologie en particulier. Il faut bien se rendre compte qu'au début des années 20, on n'est même pas sûr qu'il y ait d'autres galaxies que la nôtre. Peut-être que l'univers, en fait, ne serait réduit qu'à notre amas d'étoiles. Et que les nébuleuses que l'on voit dans le ciel seraient en fait des amas globulaires, donc des choses dans notre galaxie. Et puis, grâce à une méthode mise au point par l'astronome Henrietta Leavitt, utilisant les céphéides, des étoiles variables, on a une nouvelle manière pour calculer la distance des objets dans l'univers. Et Hubble utilise cette méthode de Leavitt pour prouver que, ben en fait, non, il y a d'autres galaxies. C'est-à-dire qu'il y a d'autres amas d'étoiles comme le nôtre. Et donc, l'univers, d'un seul coup, prend une taille bien plus grande. Mmh. Hein, il s'accroît incroyablement. Et en plus de ça, ben, on se rend compte que ces galaxies, elles semblent toutes, quasiment toutes, s'éloigner de nous. Donc, l'univers change complètement de non seulement de taille, mais aussi il change de nature. Il devient un univers dynamique. Un univers qui a une histoire. Et ça, c'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de siècles, voire de millénaires de conception théorique. Parce que, depuis Aristote, voilà, on pense à un univers qui est statique et éternel. Et même Einstein, par exemple, va, quand il entend pour la première fois parler des travaux de Lemaître et d'Alexander Friedman, le premier à avoir trouvé des solutions dynamiques aux équations de la relativité générale, dire « mais cette physique est abominable ». C'est ce que lui dit Einstein. En 1927, il voit Lemaître en Belgique et lui dit que du point de vue physique, la description que fait Lemaître de l'univers, un univers en expansion, un univers dynamique, lui paraît tout à fait abominable. Et c'est Albert Einstein, le grand Albert Einstein, qui le dit lui-même. Alors, ça témoigne finalement de la réception très tiède de la communauté des cosmologistes aux travaux de Lemaître. Est-ce que cette tiédeur, elle dure dans le temps, ou bien est-ce que progressivement Lemaître à des disciples, à des personnes qui vont se rallier à sa cause et à sa théorie? Alors, à partir de 1931, tout change. Pourquoi? Parce que Lemaître avait été l'élève d'Eddington, un astronome britannique très important de l'époque, celui qui avait d'ailleurs pu vérifier la théorie de la relativité d'Einstein en 1919, avec une observation d'éclipse. Théorie de la relativité, on peut peut-être rappeler en deux mots les enjeux de cette théorie qui a quand même changé le cours de l'histoire des sciences également. C'est une théorie de la gravitation qui vient remplacer la théorie de Newton et qui décrit le fait que les corps s'attirent, tombent les uns vers les autres, non pas avec une force, mais avec une déformation de l'espace-temps. Je vous laisse continuer maintenant sur cette année 1931 qui marque un tournant. En 1930-1931, Eddington dit « Bon, ce serait quand même bien qu'on ait une explication du fait que toutes ces galaxies semblent s'éloigner les unes des autres. » Et là, Lemaître, qui a été l'élève d'Eddington, lui envoie une lettre en disant « Mais moi, j'ai une explication et je vous ai même envoyé l'article il y a 4 ans. » Donc bon, quand même. Et Eddington, de manière très honnête, intellectuellement, dit « Oui, c'est vrai. » Et il fait traduire l'article de Lemaître. Et dans les années 30-31, Lemaître est une vraie célébrité, même après, parce que on lui attribue, autant qu'à Hubble, la théorie de l'expansion de l'espace. C'est un peu plus tard, en fait, que Lemaître va avoir une éclipse de sa renommée et qu'on va plus attribuer à Hubble le fait d'avoir découvert l'expansion de l'univers, alors même que Hubble... C'est pas sûr qu'il y ait jamais adhéré à cette idée d'expansion. Oui, lui-même, finalement, c'est pas ce qu'il cherchait à démontrer. Lemaître, donc, au tournant des années 30, a une autre idée plutôt pas mal. celle selon laquelle l'univers partirait d'un atome unique et qu'il y aurait finalement, au début de l'univers, un instant d'explosion où l'univers était tellement dense que finalement tout s'est libéré. Et c'est cette fameuse théorie qu'on a gardée en mémoire comme la théorie du Big Bang. Petite anecdote, le mot Big Bang, Gauvin de Conteville-Viard, n'était pas du tout un terme pensé par Lemaître. Non, Lemaître, il appelle ça l'hypothèse de l'atome primitif. Celui qui appelle ça les théories du Big Bang, c'est Fred Hoyle, justement. Pour s'en moquer, en 1949, dans une émission de radio à la BBC, il veut se moquer de ces théories qui supposent que tout l'univers aurait une origine temporelle, que la matière serait apparue à un instant du temps. Et pour s'en moquer, il appelle ça les théories du Big Bang. Voilà. Et Lemaître n'aimait pas trop ce terme. Hein. Lui, il parle de théorie d'hypothèse de l'atome primitif. Pour Lemaître, en fait, on peut penser un instant initial de l'univers dans les termes de la physique. Et cet instant initial de l'univers, comme vous le disiez, c'est toute la matière de l'univers est rassemblée en un noyau d'atomes qui, par des processus de fission nucléaire, va ensuite se décomposer et donner toute la matière de l'univers, ainsi qu'un rayonnement. Et ce rayonnement devrait nous parvenir encore aujourd'hui, une partie de ce rayonnement. Donc Lemaître a l'intuition qu'il devrait y avoir une sorte de rayonnement fossile, et qu'on devrait être capable, à travers ce rayonnement, d'avoir une observation, une détection en tout cas, de ces premiers instants de l'univers. Alors, la théorie de Lemaître, la théorie de l'hypothèse primitive, n'est pas notre modèle du Big Bang actuel. Hein. Dans notre modèle du Big Bang actuel, c'est pas un processus de fission nucléaire qui a eu lieu dans les premiers instants de l'univers, c'est plutôt des processus de fusion nucléaire. Et Lemaître pensait que le rayonnement fossile de l'univers, ça allait être ce qu'on appelle toujours les rayons cosmiques qu'on détecte dans la haute atmosphère. Bon, ces rayons cosmiques, en fait, ne sont pas des reliquats de l'âge, des premiers âges de l'univers, mais le fond diffus cosmologique qui sera découvert en 1965, c'est bien un rayonnement qui provient des premiers âges de l'univers. Fond diffus cosmologique dont on aura une image véritablement impressionnante au début des années 2000, et qui là, pour le coup, viendra bien évidemment corroborer cette théorie, puisque ça reste une théorie, le Big Bang, Gauvin, Lecomte, Chevillard, une théorie parmi d'autres. Dans les années 30, il y a un foisonnement de théories. Mais pourquoi autant de théories à ce moment-là? Et pourquoi est-ce que tous les grands physiciens se tirent la bourre autour de cette notion d'expansion de l'univers, de début de l'univers? Alors oui, effectivement, les années 30 sont des années où il y a énormément de débats et de controverses en cosmologie. Parce que le seul fait, finalement, qui soit important à l'échelle de l'univers même, c'est cette récession des galaxies. Mais on n'a pas d'autres observations majeures, très importantes, qui soient à suffisamment grande échelle pour trier entre différentes explications de la récession des galaxies. Et l'explication qui est adoptée par Lemaître, mais aussi qui va être adoptée par Einstein, hein, qui va revenir sur ses positions bien antérieures, sûr, par De Sitter, par Eddington. Donc l'idée que les galaxies ne sont pas en mouvement, mais sont emportées par le mouvement de l'espace, par l'expansion de l'espace, eh bien cette explication-là va se trouver face à plein d'explications alternatives. Par exemple, les explications de lumière fatiguée. Ce serait la lumière qui provient des galaxies lointaines qui, lors de son chemin, perdrait de l'énergie et donc nous apparaîtrait décalée vers le rouge, ce qui se traduit par un effet qu'on peut attribuer à une vitesse de récession. Il y avait d'autres explications, notamment celle d'Edward Mean qui dit « L'univers n'est pas en expansion, ce sont bien les galaxies elles-mêmes qui bougent dans l'univers. » Donc il y a tout ce foisonnement, effectivement, d'hypothèses dans les années 30 et on n'a pas vraiment de moyen de les trancher. On va voir dans un instant, bien sûr, pourquoi on n'a pas vraiment moyen de les trancher. Mais avant ça, j'aimerais juste, du coup, qu'on fasse un petit bilan à mi-parcours de cette émission. Lemaître a quand même été reconnu comme l'un des plus grands théoriciens en cosmologie. Est-ce que la conception, selon Georges Lemaître, de l'univers a finalement fait consensus aujourd'hui? Et si oui, à quoi ressemble cet univers dans lequel on est? Alors, en fait, à partir des années 60, on a pu commencer à avoir suffisamment d'observations pour trancher justement entre ces différents modèles d'univers. Et on en a une conception aujourd'hui qui est assez différente de celle de Georges Lemaître, mais qui valide beaucoup de ses intuitions. C'est-à-dire qu'on a une conception de l'univers qui effectivement est passée par une phase très dense et très chaude dans le passé, suffisamment dense et chaude pour qu'il y ait des réactions thermonucléaires, de fusion thermonucléaire, et que ensuite la densité de l'univers ayant suffisamment baissé, la lumière a pu s'échapper de la matière. Auparavant, les photons étaient immédiatement réabsorbés dès qu'ils étaient émis. Et donc, environ 380 000 ans après le Big Bang, après le début de l'expansion de l'univers, eh bien, la densité a suffisamment baissé pour que la première lumière, que l'univers émette sa première lumière. C'est cette lumière que l'on reçoit sous la forme d'un rayonnement très isotrope, c'est-à-dire dans toutes les directions du ciel, et qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et aujourd'hui, maintenant, on sait aussi qu'il y a une autre intuition de Lemaître qui s'avérait juste, c'est que après un moment où l'expansion a décéléré, elle s'est remise à accélérer. Et ça, c'était Lemaître qui l'avait prédit en premier. France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp. On poursuit ce voyage vertigineux dans l'univers incommensurable avec vous, Gauvin Lecomte-Chevillard, dans Science Chrono. Et on en arrive à un point capital quand il s'agit de parler de cosmologie et de cette science que vous qualifiez d'impossible en titre de votre ouvrage qui est paru aux éditions de la Sorbonne, Gauvin Lecomte-Chevillard. Cette science de la cosmologie, pourquoi, selon vous, est-ce qu'elle est impossible? Alors, je ne pense pas qu'elle soit en soi impossible, mais je pense que d'un point de vue philosophique, en tout cas, c'est très étonnant qu'elle soit possible. Parce que l'objet de la cosmologie, c'est l'univers en tant que l'ensemble des phénomènes physiques. C'est la structure qui englobe tous les autres systèmes physiques. Et c'est très étonnant cet objet. Parce que déjà, on n'en a qu'un seul exemplaire. Donc on ne peut pas le comparer à d'autres, on ne peut pas faire de statistiques. Il est bien évidemment bien trop grand pour être manipulé en laboratoire. Donc on ne peut pas non plus lui appliquer les méthodes des sciences de laboratoire. Et puis en plus, on peut même pas l'observer de l'extérieur comme on le ferait, par exemple, pour une étoile ou pour un organisme vivant. C'est pas possible, on est dedans. Donc la plupart des méthodes, on va dire, traditionnelles des sciences semblent échouer, pas fonctionner quand on les applique à la cosmologie. Et c'est pour ça que beaucoup de philosophes des sciences, depuis au moins Kant, disent non, mais il ne peut pas y avoir de science de l'univers. Et pourtant, au XXe siècle, il y a une science de l'univers qui se construit. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de voir comment elle se construit. Elle se construit avec beaucoup de controverses, non seulement scientifiques, mais aussi philosophiques, pour essayer de montrer que oui, on peut bien faire une théorie scientifique de l'univers. Et ce qui est intéressant avec la figure de Georges Lemaître qu'on entendait dans l'archive au début de l'émission, c'est que lui, en plus, il part avec un malus, il est religieux. Et ça, c'est très intéressant, parce que le 22 novembre, par exemple, 51, le pape Pie XII prononce un discours à l'Académie pontificale des sciences sur, je cite, titre du discours, « Les preuves de l'existence de Dieu à la lumière de la science actuelle ». Un discours qui frôle les théories de Georges Lemaître sans jamais directement les citer nommément et sans jamais mentionner finalement ses travaux. Mais ça fait quand même que Georges Lemaître est un peu soupçonné de vouloir justifier l'idée d'une création ex nihilo par un dieu créateur. Et en 53, Lemaître s'énerve un petit peu au congrès de Solvay et il dit, je cite, « que son hypothèse de l'atome primitif est l'antithèse de la création surnaturelle du monde ». Donc c'est comme une affaire Galilée à l'inverse, où là, pour le coup, c'est l'Église qui va essayer de s'appuyer sur des travaux scientifiques pour justifier de son dogme et de sa théorie, de sa pensée. Ça fait partie de la cosmologie, on dirait, cette idée que se percute à la fois la physique, à la fois la métaphysique, à la fois la philosophie. Et est-ce que ça, cette percussion, elle se fait de façon, finalement, intrinsèque à cette discipline de la cosmologie? Alors, je pense que dans toute science, il y a en fait aussi de la métaphysique, aussi de la philosophie qui est en question. Mais c'est clair qu'en cosmologie, comme on touche à des questions comme les questions de l'origine, et comme on a cet objet qui est un objet qui est très complexe à saisir avec les méthodes scientifiques préexistantes, bah oui, là, les questions, elles se posent énormément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont posées par les cosmologistes eux-mêmes et elles-mêmes. Elles ne sont pas posées de l'extérieur par des philosophes des sciences qui viendraient importer leurs problèmes. Non, elles sont discutées par les scientifiques. Et d'ailleurs, on l'a entendu hein, dans l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure. Si on fait bien attention à ce que dit Georges Lemaître sur la théorie de Hoyle, il la critique pas tellement sur un plan scientifique. Il est en train de dire, c'est une théorie qui est a priori, c'est-à-dire pas fondée directement sur les observations. Donc il la critique d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue de philosophie des sciences. Et ça, parlons-en de la philosophie des sciences et de cette figure qui était Karl Popper et qui, lui, justement, disait un fait est scientifique à partir du moment où il peut être réfuté par une expérience. C'est un peu l'idée du jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, on admet une idée si cette idée a été validée expérimentalement. Là, la cosmologie, on le disait tout à l'heure, ne permet pas de pouvoir expérimenter sur cet objet qui est incommensurable. Alors comment est-ce que les cosmologistes vont s'approprier, s'adapter à cette contrainte posée par Karl Popper qui a quand même révolutionné la conception de la philosophie des sciences? Ouais, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, Karl Popper, il est cité nommément par Hermann Bondy, qui est un des partisans de la théorie de l'état stationnaire. Donc, théorie qu'on accusait de ne pas être scientifique, parce qu'elle était fondée sur un principe a priori. Mais Hermann Bondy, lui, connaît bien la philosophie de Popper, il l'a lu, il s'est même occupé de faire la recension du livre de Popper quand il a été traduit en anglais. Et ce que dit Bondy, c'est de dire, mais en fait, on n'a pas besoin de postuler des hypothèses qui soient fondées sur l'expérience, on a juste besoin qu'elles fassent des prédictions risquées. C'est-à-dire des prédictions qui seraient susceptibles de réfuter cette théorie. Et Bondy dit, mais ma théorie, la théorie de l'état stationnaire, c'est la plus réfutable qui soit, parce qu'elle dit que l'univers doit être identique en chacune de ses époques. Donc si vous observez l'univers lointain, c'est l'univers aussi qui est loin dans le temps, parce que quand on observe un objet à 100 millions d'années-lumière, on l'observe tel qu'il était il y a 100 millions d'années. Et si vous observez l'univers lointain, donc dans le passé, et que vous voyez des objets différents de ceux qui sont actuels, donc dans l'univers proche, c'est bon, ma théorie est réfutée. Donc, par des observations qui sont de l'univers à de grandes échelles, on peut espérer réfuter des théories, donc appliquer la méthodologie de Popper. Et là-dessus, Hermann Bondy avait tout à fait raison, et en plus, il a peut-être perdu la bataille scientifique, mais il a introduit la référence à Popper en cosmologie, et effectivement, c'est une référence qui continue à exister. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, la théorie du Big Bang, a priori, c'est cet instant primordial. On ne peut pas y accéder avec nos moyens d'observation actuels, donc on ne peut pas réfuter cette théorie, donc du coup, si je me place dans le sillage de Popper, je peux dire finalement le Big Bang, on oublie cette idée. Et c'est exactement ce que disait Fred Hoyle. Et c'est pour ça qu'il se moquait des théories du Big Bang. Il disait mais c'est des théories qui sont très insatisfaisantes d'un point de vue philosophique parce qu'elles placent leur hypothèse fondamentale là où aucun appel à l'observation ne peut les défier. Oui, effectivement, Hoyle a essayé de retourner l'argument de pseudo-scientificité contre les théories du Big Bang. Mais ce qui se passe, en fait, dans les années 60, progressivement, c'est qu'il y a de plus en plus d'observations qui viennent de la radioastronomie, mais aussi observations des abondances d'éléments chimiques dans l'univers, de l'hélium, qui vont dans le sens, quand même, de la théorie du Big Bang. Et en fait, la théorie du Big Bang est un cadre qui unifie différents domaines la radioastronomie, l'astrophysique, la relativité générale, la physique nucléaire, la physique des particules, et qui fait qu'elle elle est incroyablement attirante, cette théorie, pour des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses. Quand on lit les témoignages de l'époque, de James Peebles, par exemple, ils ont l'air de vraiment s'éclater, quoi, à travailler là-dessus, et puis ça fournit un moyen de faire de la physique nucléaire par d'autres moyens. Zeldovich, qui est un cosmologiste soviétique, disait « Avec la théorie du Big Bang, l'univers devient l'accélérateur de particules du pauvre ». Alors ça, c'est intéressant, on va peut-être conclure cet épisode de Science Chrono là-dessus. Gauvin Lecomte-Chevillard, c'est cette idée que finalement, plus on a des moyens d'observation technique adaptés, plus on peut valider ces théories qui ont été formulées dans les années 30, à l'époque où ces instruments n'existaient pas. Finalement, la cosmologie et ces théories cosmologiques-là vont-elles être sauvées par ces instruments de plus en plus performants dont dispose de l'astrophysique? Alors c'est toujours difficile de prédire l'avenir de la science, mais ce qu'on voit depuis une bonne trentaine d'années, c'est qu'on a de plus en plus d'observations. La cosmologie devient une science très riche en observations, mais les controverses ne cessent pas. Les controverses continuent entre cosmologistes. Il y a des points d'accord, hein, bien évidemment, mais il y a encore beaucoup de controverses à la fois scientifiques et philosophiques, que ce soit sur des hypothèses comme celle de l'inflation, sur la théorie du multivers, ou alors sur ce qu'on appelle la tension H0. Il y avait une très bonne émission d'ailleurs de la méthode scientifique sur cette tension-là, qui est une tension entre différentes manières de mesurer le taux d'expansion actuel de l'univers, et on n'arrive pas au même résultat. Et du coup, on a de plus en plus d'observations, mais ça crée aussi de nouveaux problèmes. Et après tout, c'est le fonctionnement normal d'une science. C'est le fonctionnement normal d'une science. Ce sera le très beau mot de la fin, Gauvin Lecomte-Chevillard. Histoire d'une science impossible, cosmologie et épistémologie de 1917 à nos jours. C'est le titre de votre livre paru aux éditions de la Sorbonne. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On peut peut-être pas le mesurer, mais on peut y danser dans le cosmos. Danse dans le cosmos par Ricky Hollywood et les disciples. Science Chrono, c'est déjà fini. Cette émission n'existerait pas sans l'aide de Mariam Ibrahim, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc et à la réalisation Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. Dans le cosmos. annoncer une grande nouvelle. On va tous aller danser dans le cosmos. C'est ça notre récompense.